Encore une prise de bec avec ma mère, je fais le sourd, claque la porte pour oublier, je ricane avec mes potes en tapissant un bloc. Le visage plongé dans les étoiles, noyé dans ma gamberge, cherche une île, une berge ou au moins un bout de bois. Je me sens comme une bouteille à la mer, je vais où le flot de la vie me mène, loin de tout, même de ma mère, la vie m'a offert la solitude de Robinson. Je voudrais repeindre ma vie, mais je ne trouve pas le bon pinceau. Certains ont fait le grand saut, mariés et des enfants nous lâchent leur discours de réussite, leur vie est mieux qu'avant, c'est ce qu'ils nous disent. Je vois de la lassitude dans leur regard, mais eux au moins ont essayé de sortir de leur brancard. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté des tas de trains, pourtant je n'ai jamais quitté le quai. La preuve, les jeunes me squattent, ça craint. Le temps a soufflé sur ma 25e bougie, j'en suis même pas sûr. Je suis toujours dans le même logis, dans la même logique. Le piano des feux de l'amour pour me réveiller, la petite sœur pour me faire agrailler. Brailler, je le fais pour un rien. Pour me calmer, je rappe d'autres rôles. Voilà nos deux moyens aériens, une femme. Des fois, je me dis que c'est la plus grosse arnaque de la vie d'un homme. Certains disent qu'une d'elles, un jour, viendra éclairer mon ombre. J'espère le voir de cet angle. Pour l'instant, les couteaux que j'ai sur mes omoplates ont des traces de rouge à ongles. Mais bon, la vie, faut la vivre. Donc, je la vis, filet vite, brisé de mon existence. Continue, navigue, même dans le vide. Je vire à tribord, prends la fuite à travers mes lignes. Te décris mes rides, me construis un mythe, oblige. Je sens que mon pouls ralentit. Faut que je laisse une trace d'un mec honnête ou d'un gros bandit. Rien à foutre, faut que je prouve que j'ai été vivant. Si tu penses que je dois avoir un psy, dis-toi que je n'ai que le rap comme divan. Mal, la marée est haute et je me laisse emporter par les vagues. Elles sont trop fortes, voudraient dire que je t'aime, mais j'ai trop de trac. Marque mon front de ton sourire. S'il te plaît, oublie toutes les fois où je t'ai fait souffrir. Je sais que le fort est une force que je maîtrise peu. Et je sais aussi que c'est le parapluie qu'il faut quand sur tes joues il pleut. Mais dans ma tête, j'entends des coups de flingue incessants. Un braconnier a laissé des plumes de colombe plein de sang. Je voulais apprendre à donner, j'ai appris à tout manger, apprendre à pardonner. J'ai appris à me venger, je voulais apprendre à aimer. J'ai appris à haïr, je ne voulais pas ramer. Je l'ai fait avec un gros navire. J'ai voulu éviter la pluie, je l'ai affronté en t-shirt. Je la voulais pour la vie, je ne l'ai eu que pour un fleuve. Je me sens comme une bouteille à la mer, noyée dans les vagues de la mélancolie de la vie. Comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer. Je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer. Comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer. Je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer. Je me sens comme une bouteille à la mer, comme une bouteille à la mer. Je me sens comme une bouteille à la mer. SOS. Comme une bouteille à la mer, à la recherche d'une vie, d'un navire, qu'on puisse me recrocher et lire ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a en moi. Comme une bouteille à la mer.